Fabrice Lucchini lit Gustave Flaubert. Oh, l'humanité tourne aux bêtes. Le comte a raison. Il nous a formulé cela d'une façon que je n'oublierai jamais. Les rêveurs du Moyen-Âge étaient d'autres hommes que les actifs des temps modernes. L'humanité nous hait. Nous ne la servons pas et nous la haïssons, car elle nous blesse. Aimons-nous donc en art, comme les mystiques s'aiment en Dieu, et que tout pâlisse devant cet amour, que toutes les autres chandelles de la vie qui toutes puent, disparaissent devant ce grand soleil. Aux époques où tout lien commun est brisé et où la société n'est qu'un vaste banditisme, mot gouvernemental, plus ou moins bien organisé, quand les intérêts de la chair et de l'esprit, comme des loups, se retirent les uns des autres et hurlent à l'écart, il faut donc, comme tout le monde, se faire un égoïsme plus beau seulement et vivre dans sa tanière. Moi, de jour en jour, je sens s'opérer dans mon cœur un écartement de mes semblables qui va s'élargissant et j'en suis content. Car ma faculté d'appréhension à l'endroit de ce qui m'est sympathique va grandissant et à cause de cet écartement même, je me suis rué sur ce bon Lecomte avec soif. Au bout de trois paroles que je lui ai entendu dire, je l'aimais d'une affection toute fraternelle. Amant du beau, nous sommes tous des bannis. Et quelle joie quand on rencontre un compatriote sur cette terre d'exil. Voilà une phrase qui sent un peu le Lamartine, chère madame, mais vous savez, ce que je sens le mieux est ce que je dis le plus mal. Que de que. Dites-lui donc à l'ami Lecomte que je l'aime beaucoup, que j'ai déjà pensé à lui mille fois. J'attends son grand poème celtique avec impatience. La sympathie d'homme comme lui est bonne à se rappeler dans les jours de découragement. Si la mienne lui a causé le même bien-être, je suis content. Je lui écrirai volontiers, mais je n'ai rien du tout à lui dire. Une fois revenu à Croisset, je vais creuser la Bovary, tête baissée. Donnez-lui donc de ma part la meilleure poignée de main possible. Je n'ai pas encore écrit à Bouillet depuis tantôt 8 jours que je suis ici et je n'en ai pas reçu de nouvelles. J'ai peur, pauvre chère Louise, de te blesser. Mais notre système est beau de ne rien nous cacher. Eh bien, ne m'envoie pas ton portrait photographié. Je déteste les photographies, à proportion que j'aime les originaux. Jamais je ne trouve cela vrai. C'est la photographie d'après ta gravure. J'ai la gravure qui est dans ma chambre à coucher. C'est une chose bien faite, bien dessinée, bien gravée et qui me suffit. Ce procédé mécanique appliqué à toi surtout m'irriterait plus qu'il me ferait plaisir. Comprends-tu? Je porte cette délicatesse loin car moi, je ne consentirai jamais à ce que l'on fît mon portrait en photographie. Max l'avait fait, mais j'étais en costume, nubien, en pied et vu de très loin, dans un jardin. Les lectures que je fais le soir, des détails de mœurs sur les divers peuples de la terre, dans un des livres que j'ai acheté à Paris, m'occasionnent de singulières envies. J'ai envie de voir les Lapons, l'Inde, l'Australie. Ah, c'est beau la terre. Et mourir sans avoir vu la moitié, sans avoir été traîné par des rennes, porté par des éléphants, balancé en palanquin, je remettrai surtout dans mon compte oriental. Là, je placerai mes amours comme dans la préface du dictionnaire mes haines. Sais-tu que je n'ai jamais fait un si long séjour à Paris et que jamais je ne m'y suis tant plu. Il y a aujourd'hui 15 jours, à 7 heures, je revenais de Chaville et j'arrivais chez toi. Comme c'est loin déjà. Il y a quelque chose derrière nous qui tire vers le lointain les objets disparus avec la rapidité d'un torrent qui passe. La difficulté que j'ai à me recueillir maintenant vient sans doute de ces 2 dérangements successifs. Le mouvement est arrêté. Loin de ma table, je suis stupide. L'encre est mon élément naturel. Beau liquide, tu restes que ce liquide sombre et dangereux. Comme on s'y noie, comme il attire. Allons, adieu, chère bonne muse. Bon courage, travaille bien, Tu me parais en disposition crâne. Mille compliments, mille baisers. À toi, ton Gustave. Fabrice Luchini lisait Gustave Flaubert.